Troisième partie, chapitre 3, de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gillian Henry. Introduction à la vie dévote par Saint-François de Sales. Troisième partie, chapitre 3, de la patience. La patience, dit l'apôtre, vous est nécessaire, afin qu'accomplissant la volonté de Dieu, vous en obteniez la récompense qu'il nous a promise. Oui, nous a dit Jésus-Christ, vous posséderez vos âmes par la patience. C'est le grand bon lieu de l'homme, piloté, que de posséder son cœur. Il est sûr qu'à proportion que la patience est plus parfaite en nous, nous les possédons plus parfaitement. Il faut donc perfectionner cette vertu en nous. Souvenez-vous encore que notre Sauveur nous ayant mérité les grâces de salut par la patience de toute sa vie et de sa mort. Nous devons aussi nous les appliquer par la patience la plus constante et la plus douce, dans les afflictions, dans les misères, dans les contradictions de la vie. Ne bornez pas votre patience à de certaines peines, mais étendez-la universellement à tous ceux que Dieu vous envoyera ou permettra qu'ils vous viennent d'ailleurs. Il y a bien des gens qui veulent assez souffrir les peines, lesquelles portent quelque caractère d'honneur. Avoir été blessé dans une bataille et avoir été fait prisonnier en faisant bien son devoir, être maltraité pour la religion, avoir perdu son bien pour une querelle d'honneur, dont on est sorti avec avantage, tout cela leur est doux. Mais c'est la gloire qu'ils aiment, et non pas la peine. L'homme véritablement patient porte avec une même égalité d'esprit les peines ignominieuses et celles qui sont honorables. Être méprisé, blâmé et accusé par des hommes vicieux et libertins, c'est un plaisir à une grande âme. Mais souffrir ces mauvais traitements de la part des gens de bien, de ses parents, c'est une patience héroïque. C'est pourquoi j'estime plus le bienheureux cardinal Borromée d'avoir souffert en silence, avec douceur et longtemps, les invectives publiques qu'un célèbre prédicateur d'un ordre extrêmement réformé faisait contre lui en chair, que d'avoir soutenu ouvertement les insultes de beaucoup de libertins, car comme les piqûres des abeilles sont plus puissantes que celles des mouches, ainsi les contradictions que l'on reçoit des gens de bien sont plus sensibles que celles qui viennent des partisans de vice. Et cependant, il arrive souvent que deux hommes de bien, tous deux bien intentionnés, dans la diversité de leurs opinions, se font beaucoup de peine l'un à l'autre. Ayez de la patience, non seulement pour le mal même que vous souffrez, mais encore pour toutes ces circonstances et ces suites. Plusieurs s'y trompent qui voudraient assez avoir de mal sans en être incommodés. Je ne m'affligerai pas, dit l'un, d'être devenu pauvre, si ce n'était que la pauvreté m'empêche de servir mes amis, d'élever mes enfants et de vivre avec un peu d'honneur. Et moi, dira l'autre, je m'en inquiéterai fort peu si je ne voyais que l'on impute mon malheur à mon imprudence. Et moi, dira encore un autre, je serais peu touché de cette médisance si elle n'avait pas trouvé de croyance dans les esprits. Il y en a beaucoup qui veulent bien souffrir une partie des incommodités que porte leur peine, mais non pas toutes, et qui disent qu'ils ne sont patients pas d'être malades, mais de ceux que les autres en ont de la peine, ou bien de ceux que l'argent leur manque pour se faire aider. Or, je dis, Philothée, que la patience nous oblige à vouloir être malade comme Dieu le veut, de la maladie qu'il veut, au lieu où il veut, avec les personnes et dans toutes les incommodités qu'il veut. Et voilà la règle universelle de la patience. Quand il nous arrivera de mal, apportez-y tous les remèdes que vous pourrez selon Dieu. Car, En entendre les soulagements, sans vous aider vous-même, ce serait tenter Dieu. Mais après cela, résignez-vous à tout. Et si le remède chasse le mal, remerciez-le avec humilité. Si le mal est plus fort que le remède, bénissez-le avec patience. Je me tiens au sentiment de Saint Grégoire. Lorsque l'on vous accusera, dit-il, d'une faute véritable, humiliez-vous-en et confessez que vous méritez quelque chose de plus que cette confusion. Si l'accusation est fausse, justifiez-vous avec beaucoup de douceur, puisque vous devez cela à l'amour de la vérité et à l'édification du prochain. Mais si votre justification n'est pas reçue, ne vous troublez pas et ne faites plus de vains efforts en faveur de votre innocence. Puisqu'après avoir rempli les devoirs de la vérité, vous devez aussi remplir ceux de l'humilité. Ainsi, vous ne négligerez point votre réputation et vous ne perdrez point l'affection que vous devez avoir pour la douceur et l'humilité de cœur. Plaignez-vous le moins que vous pourrez, de tant que l'on vous aurait fait, car il est fort rare que l'on se plaigne sans péché. Notre amour propre grossissant toujours à nos yeux et dans notre cœur les injures que nous avons reçues. S'il est nécessaire de vous plaindre ou pour calmer votre esprit ou pour demander conseil, ne vous plaignez jamais à des personnes qui prennent feu aisément et qui ayant de la facilité à mal parler ou à penser mal des autres. Mais plaignez-vous à des personnes qui ayant de la modération et de l'amour de Dieu. Parce que bien loin de calmer votre âme, on vous troublerait davantage, et qu'au lieu de vous arracher d'épines de cœur, on les enfoncerait plus avant. Il y a bien de gens qui étant malades ou affligés de quelque manière que ce soit, s'empêchent bien de se plaindre et de faire paraître aucune délicatesse de vertu, parce qu'ils savent, et cela est très vrai, que c'est une faiblesse et une lâcheté. Mais ils tâchent de s'attirer la compassion et les plaintes des autres sur leur peine, aussi bien que leur louange sur leur patience. Je l'ai vu, voilà la patience, mais certainement c'est une fausse patience, et qui en effet est un orgueil très subtil et une vanité bien raffinée. Oui, comme dit l'apôtre, ils ont de la gloire, mais ce n'est pas celle qui conduit à Dieu. Le chrétien véritablement patient ne se plaint point de son mal et ne désire point qu'on le plaigne. Si l'on parle, c'est avec beaucoup de simplicité et de naïveté, sans le faire plus grand qu'il n'est. Si on le plaint, il souffre patiemment ses plaintes, au moins qu'on ne le plaigne d'un mal qu'il n'a pas. Car alors, il en désabuse modestement les autres. Ainsi, il conserve la tranquillité de son âme entre la vertu et la patience, déclarant ingénument son mal et ne se plaignant point. Dans les contradictions que la dévotion vous attirera, car elles ne vous manqueront pas, souvenez-vous de cette comparaison de Jésus-Christ. Les douleurs de l'enfantement causent bien des douleurs à une pauvre mère, mais dès qu'elle voit son enfant, elle les oublie. Et la joie d'avoir mis un homme au monde dissipe toute sa tristesse. Eh bien, Philothée, vous voulez absolument travailler, comme dit l'apôtre, à former Jésus-Christ dans votre cœur et en vos œuvres, par un amour sincère de sa doctrine et par une parfaite imitation de sa vie. Il vous en coûtera quelques douleurs, n'en doutez pas, mais elles passeront. Et la présence de Jésus qui vivra en vous remplira votre âme d'une joie ineffable que personne ne vous ravira jamais. Quand vous serez malade, offrez vos douleurs, votre langueur et toutes vos peines à Jésus-Christ, le suppliant de le recevoir en union des mérites de sa passion. Souvenez-vous surtout du fiel qu'il prie pour l'amour de vous. Et obéissant au médecin, prenez et faites tout ce qu'il voudra pour l'amour de Dieu. désirez la guérison pour le servir. Mais ne refusez point de languir longtemps dans votre mal pour lui obéir. Et même disposez-vous à mourir, s'il le veut ainsi, pour aller jouir dans sa glorieuse présence. Souvenez-vous, Philothée, que les abeilles vivent de nourriture fort amère pendant qu'elles font leur miel, et que jamais nous autres, nous ne pouvons mieux remplir notre cœur de cette sainte suavité qui est le fruit des vertus, que quand nous mangeons en patience le pain amer des tribulations que Dieu nous envoie. Et plus elles sont humiliantes, plus notre vertu en devient excellente et douce à notre cœur. Pensez souvent à Jésus crucifié. Considérez-le couvert de plaies, accablé de propre et de douleur, pénétré des tristesses jusqu'au fond de l'âme, dans un dépouillement et un abandonnement universel, chargé des calomnies et des malédictions. Alors vous avouerez que vos souffrances ne sont nullement comparables aux siens, ni en qualité, ni en quantité, et que jamais vous n'endurerez rien pour lui, qui approche tant soit peu de ce qu'il a souffert pour vous. Comparez-vous encore aux martyrs, et sans aller si loin, à tant de personnes qui souffrent actuellement plus que vous. Et dites en bénissant Dieu, « Alas, mes épines me paraissent des roses, et mes douleurs des consolations, quand je me compare à ceux qui, sans secours, sans assistance, sans soulagement, vivent dans un mort continuel, accablés de douleurs et de tristesses. » Fin de chapitre 3, troisième partie.